Il n'est pas mort en vain. Son sang n'a pas coulé inutilement. Pour avoir des résultats. Et l'œuvre qu'il avait commencée. Il est en train de l'achever maintenant. L'œuvre de la rédemption. L'année de jubilé. L'année de la liberté. À tous égards pour le croyant. Pour la semence d'Abraham. Le fils et la fille de Dieu. L'année de liberté totale. L'année de grâce, Dieu fait grâce. Il pardonne les péchés. Amen. Il délivre de toute oppression, de tout esclavage, de tout blocage. Il donne la délivrance. Il donne la vie éternelle. Il donne la guérison complète. Il répond à toutes les prières. Pour vos besoins de saints. Il nous conduit merveilleusement. Il inspire encore la prédication. Il nous loin de croyants. Il tente prier de force. Il est soutien dans le combat. Il est dans le multiple victoire. Satan est vaincu. Il est dépouillé. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a triomphé. Les saints l'acclament. Dieu est merveilleux. merveilleux. Fidèle à son œuvre chaque jour et par jour. Que son nom soit sanctifié. Nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, nous t'adorons, nous t'exprimons nos remerciements, notre reconnaissance, l'attachement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a toute autorité dans les cieux sur la terre. Il donne réponse aux prières. Il soulage et console vraiment. Il change la situation de tous. Il élève et il abaisse. Il bénit et délivre. Il remplit de l'esprit et de force. Il nous donne la joie de le glorifier, de le servir en tout lieu. Que ton nom soit sanctifié. Parle à chaque cœur maintenant. Prends le contrôle total. L'auditoire visible et l'auditoire invisible. Dieu le suprême. Dieu le sublime. Dieu le surnaturel. Dieu l'invincible. Dieu immuable. Dieu le consolateur. Il vient même auprès de ceux qui pensent que tu ne le connais pas. Amen. Que tu ne penses pas à lui. Mais c'est toi qui te caches. Tu te révèles. Suscite la foi dans le cœur. Élève cette foi à la perception. Qu'elle produise les fruits de Dieu. Les résultats de l'évangile. Que notre témoignage soit fort. Appuie-nous. Exauce-nous et soulage-nous. Dieu notre joie. Dieu notre paix. Aussi notre justice. Béni soit ton nom ce matin. Pour que chacun tire la meilleure main. Nécessairement. Et de ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Nous lisons dans Exode au chapitre 34, le verset 8 à 10. Exode 34, le verset 8 à 10. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Mose a quitté sa qui motona ye et païna se nokimpe a sambeli et a l'ova qui était. Sa saïti soko na bongi na miso na yo e yawe. Mbele na bondeli yo tika yawe akenda kati na biso ataba jali bato na mito makasi limbisa mabe na biso mpe lisumu na biso pe kamata biso lokola libula na yo ye alobaki ete tala na kosala kundimana na kosala misala na kokamwa liboso na bato na yo yonso na ndenge misala mi na mokili yonso te pe na libota moko te. Pe bato yonso ojali kati na bango bako tala mosala na Yahweh mpo ete ejali likambo na somo likosala ngai kati ngai na yo elongo. Acte des apôtres, chapitre 3. Misala na bantoma mokapa misato. Le verset 22 à 26. Molongo ya tukumi bale, na mibale kino tukumi bale na motoba. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Mose penza alubaki ete, nkolo nzambe na bino, akotele bishabino, mosakoli loko langai, nakati na bandeko na bino. Bokoyoka ye, na makambo yonso, makolobaye na bino. Soko moto nani akoyoka mosakoli yangote akobomamanye na kati na bato. Basakoli pe yonso longwa na Samuele na bango basakoli na sima pe basakoli pona mikolo oyo. Bino bozali bana na basakoli pe na kondima ekatami nzambe na ba koko na bino. Wana elobiye na Abalaama ete. Na kati na libota na yo, mabota yonso na se bako pambolama. Efili nzambe kosekwisa mosaleli na ye, atindi ye bino liboso. Kopambola bino na kobongola bino na moto na mabe na ye. Kobongola bino moto na mabe na ye, na mabe na ye. Acte chapitre 26. Salam à Thomas, mon capa Tourou Balé dans mon tombe. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscite le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Bongo, et si la kingai kozwa lisungi liuti na nzambe, na telemi kino lelo oyo, kotatola na batomi kempe, na batomi nene pe, koloba likambo mosusu te, bobele makambo malobaki basakoli, na mose ete mako bima. Ete, ekokaki na Kristo koyoka mpasi, pe ete ye oyo, moto na liboso na kosekwa na bakufi alingaki kosakola moi na libota oyo mpe na bapagano. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. L'ambe a pambola botanga. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons à tous et à chacun bienvenue à la table du Seigneur. Et nous vous souhaitons le bonheur de la maison de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Nous salmons David. Les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ouais. Nous vous souhaitons ce bonheur. Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Si tu entends ceci, que ça ne te fait rien. Je prie que Dieu guérisse ton esprit et ton âme. Parce que nous devons être sensibles à ce que Dieu nous donne. Nous devons être réactifs à ce que Dieu nous propose. Dieu ne nous propose pas de balivernes. Il ne nous perd pas notre temps. Dieu a le meilleur à nous offrir. Ce que Dieu donne, aucun humain ne peut le donner. Il est celui qui donne mieux que quiconque. Croyez-vous comme moi? Dieu donne mieux que quiconque. Tous les grands que vous connaissez, les dignitaires et les puissants de la terre, et les hommes comme Asma et Infa, ils sont limités dans leurs problèmes. Ils sont agités face aux nouvelles. Les bouleversements des situations peuvent les inquiéter leur plus belle sommeil. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il ne peut pas connaître les troubles de sommeil. Comme les hommes de la terre qui auront de l'hypertension. Je vais faire de l'AVC. Dès qu'ils entendent une mouche bouger là-bas, un cancre là tournoyer, les voilà envoyer les gardes, go. Allez examiner d'abord cette bestiole-là. Si ce n'est pas quelqu'un qui vient attenter à ma vie, ils ne sont plus de rien du tout. Oh, frère, notre Dieu est sûr de tout. Parce qu'il dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ngai wabino, nazali zambe. Amen. Que mosusu zambe asalakanaye. Dieu pour dire ça, il est sûr de ce qu'il dit. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et toi aussi, peuple de Dieu. Il n'aura point d'autre Dieu devant ma vie. Des dieux qui ne sont pas dieux par nature. Des dieux fabriqués par l'imaginaire de l'homme. Par l'imagination humaine. L'homme regarde le soleil, il en fait un dieu. Il regarde les bois, il en fait un dieu. Il regarde les photos, il en fait un dieu. Il regarde la montre, il en fait un dieu. Il regarde une colonne, il en fait un dieu. Il regarde l'homme son semblable, il en fait un dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu comme ça. Comme Dieu a enseigné à Israël. Et Israël. Adonai Elohenu. Zambé Oyayo. Adonai Echa. Le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur est unique. Amen. Votre Dieu. Zambé wabino. Bombele moko wana. Adonai Elohenu. Zambé wabino. Adonai Echa. Azali bombele yemoko. N'accepte aucune idolâtrie, aucune trinité. Bongote. Votre Dieu est unique. Zambé wabino azali bombele yemoko. Il n'y a jamais eu. Ekoki kozalate. Il n'y aura jamais. Trois personnes en Dieu. Batomisa tokati na bonzambe. Mais ce qu'il y a toujours eu, et ce qu'il y aura éternellement, une seule personne qui est Dieu. Nous croyons. Alors, comment éprouver un ministère de la parole? C'est un sujet grand, mais petit. Nous ne voulons pas que ce soit long, mais l'esprit ne conduit pas à ça. Voilà que, après avoir rappelé que c'est la parole qui doit éprouver le ministère, après avoir rappelé les critères que la parole elle-même donne pour pouvoir éprouver le ministère, nous sommes conduits dans l'appel de William Branham. Et nous l'examinons un peu. Et avec vous. Ensemble avec vous. Et vous avez quand même un devoir. Qui dites-vous que Branham a comme ministère? Qui dites-vous que William Branham est? J'ai réceptionné vos copies. Mais pendant ce temps, l'Esprit nous a conduit à parler de l'appel de William Branham. Nous pouvons corriger les devoirs, hein? Voir ceux qui ont répondu, bien que tout le monde n'avait pas levé les doigts pour répondre, mais au moins chacun de nous dans la maison de Dieu vient apprendre. Alors, ce matin, c'est l'appel de William Branham, quatrième partie. C'est le tout mercredi. Nous allons parler de ça. Jeudi, vendredi, aujourd'hui encore dimanche. Mercredi, en parlant de ça, nous avons eu l'élément de l'appel, l'expérience qu'il a vécu et où il a entendu le bruit de vent, d'un vent dans les feuilles de l'arbre. Et les feuilles ne bougeaient pas. Mais c'était un bruit géant. Le mouvement du bruit était de la taille d'un tonneau. Tonneau. Il a vu le mouvement. Et puis de là, la voix est sortie. C'est le Seigneur notre Dieu en esprit qui a fait retentir une voix audible, semblable à une voix humaine, comme la mienne que vous entendez là. Ne fume pas la cigarette. Ne bois pas de l'alcool. Ni ne souille ton corps d'aucune façon. Car j'ai une œuvre à accomplir avec toi. Il y aura une œuvre que tu auras accomplie quand tu seras devenu grand. Cela a mis l'enfant dans un état d'agitation terrible. Il a jeté le seau d'eau qu'il était dans la pour sa famille. Il a couru vite vers la maison, criant à tue-tête. Il a vécu la chose. Ce n'était pas une fiction. Mais notre Dieu est réel. Le Dieu unique dont nous parlons, est le Dieu de la Bible, il est réel, il existe. Il peut apparaître et il peut faire n'importe quoi. Ça c'est mercredi. Alors aujourd'hui nous avons un peu examiné l'accomplissement. Quand devons-nous parler d'un accomplissement? Et nous avons vu tout là dans l'appel de William Branham qu'il y a accomplissement en matière des choses de Dieu. Auparavant, il y avait une promesse. Une parole du Seigneur prononcée. Chaque fois que vous direz que l'œuvre de Dieu est en train d'être accomplie, c'est que l'œuvre avait été annoncée auparavant. Après le temps de l'annonce, ensuite le temps de l'accomplissement. Il n'y a d'accomplissement que là où il y avait une promesse préalable. Si l'on vous dit qu'une chose, Dieu l'a accomplie, et qu'il n'y a rien dans la parole qui le prévoit, qui l'annonce, n'y croyez pas. Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa parole. Dans Amos 3, verset 7, Dieu a dit que l'Éternel, le Seigneur Dieu, il ne fait rien sur la terre sans avoir révélé d'abord son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il dit ce qu'il veut faire et il dit ensuite l'exécuter. Quand il est venu auprès du prophète Abraham, dans Genèse 18, Dieu est apparu dans un corps physique, un corps terrestre, un corps humain, tangible, palpable, qui a pu manger de la viande et boire du lait que les hommes prennent. Et parce qu'il traitait avec un prophète, Dieu a posé la question. Il te pose la question. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Parce que j'ai choisi Abraham et sa postérité après lui pour qu'il lui enseigne la voie de ma justice. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alors Dieu ne lui a pas caché parce qu'il s'agit d'un prophète. Il y a l'écrit contre Sodome et Gomorre est monté jusqu'à moi. Voici, je vais descendre et voir par moi-même si ils ont agi selon le bruit qui est parvenu jusqu'à moi. Alors, Abraham a compris que Dieu voulait détruire à cause des péchés. Parce qu'il est écrit dans Genèse 13 que les habitants de Sodome et Gomorre étaient des grands pécheurs au Dieu de l'Éternel. Des grands pécheurs. Yaminene. Des pêcheurs, des grands pêcheurs. Et Dieu est allé mener l'enquête. Et le même Dieu a promis que ce qui arriva au temps de l'autre se reproduira à l'avènement du Fils. Les gens sont distraits, mais Dieu veille sur son œuvre. C'est ainsi que vous entendez parler des soucoupes volantes. Ce sont les anges enquêteurs du monde. Ici, au 20e siècle. Awa na tangona biso yo. Des anges enquêteurs de jugement. Les hommes de science ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Ils voyaient juste des lumières mystiques traversées. Ils comprenaient pas. Après quelques temps, ils surtout sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Dans l'État de la Californie. Ces lumières ont multiplié de fouilles et de passages là-bas. Les vivants des prophètes William Branham. Ils faisaient beaucoup de mouvements de ce côté. Le frère Branham annonçait, le jugement va frapper la côte ouest. Un grand jugement va frapper et il pourra entamer même l'Alaska. Il pourra se prolonger jusqu'au Maine. Tout le monde là-bas. Il a circoncis tout ce qui est dans le viseur du Seigneur. Et quand vous examinez de près, c'est le territoire où les avortements ont été autorisés. Et c'est le territoire où l'homosexualité a été parmi le premier est mentionné. Même les membres du gouvernement. C'est là-bas que l'homosexualité battait son plein. 30% des membres du gouvernement étaient homosexuels. Le journal a publié ça du gouvernement. 30% déjà dans ces années là-bas. Mais il y a un messager dans le pays. Les États-Unis d'Amérique même. Il y avait des choses que le Seigneur faisait. L'évangile était puissamment prêché. Mais les gens n'en faisaient pas cas. Ils préféraient se saouler, s'abandonner à la bouffonnerie, à de l'arrogance, pour se moquer de voix de Dieu, tout en proclamant dans leur monnaie, les dollars américains, un dollar, a nation in gold we trust. En Dieu, nous nous confions. Ils écrivent ça sur la monnaie. Le billet de 1 dollar. In God we trust. Mais là, dans ce billet de 1 dollar, ils ont dessiné la pyramide. Alors que les pyramides égyptiennes n'étaient pas coiffées Ils Mais là, sur la monnaie américaine, ils ont dessiné la pyramide avec la pierre fêtière posée dessus. Et à l'intérieur, là, il y a un œil. Et puis, ils mettent le mystère de Dieu. Ils écrivent là un mystère. Ils ne comprennent pas. Dieu a laissé ce signe, même dans leur monnaie. Que le retour de Christ est proche. La pierre que le prophète Daniel a vue. C'est le sommet là-bas. Sans le secours d'aucune main. Et venir frapper la statue de Nebuchadnezzar. En plein dans les 10 orteils. Tout était pulvérisé. Et cette pierre se transformait elle-même. Pour devenir une haute montagne. Ils comprennent pas que Dieu a laissé le ciel. Pour montrer que malgré le noble ordre sclérum. Les ordre mondial ici de la deuxième guerre mondiale. Malgré cet ordre, dans lequel grâce au plan Marshall, les États-Unis d'Amérique sont carrément les gendarmes du monde entier. On se marchait comme la superpuissance. Ils ne comprennent pas que malgré ça, les royaumes de Dieu viennent. Les hommes doivent se repentir. Car le royaume annoncé s'accomplira bientôt. Ce qui sera à l'échelle mondiale. Christ le Seigneur sera le roi de toute la terre. Mais ne trouvez pas les influences des illuminés. Ou les clubs de Milverdel, quelque chose comme ça. Ce sont des occultistes qui ont des yeux illuminés. Là, aux États-Unis, ils sont dans les sièges du pouvoir. Là. Et parmi les tireurs de ficelles. Ce sont des gens qui vous traversent le mur sans obstacle. Des grands médiums. Qui tire les ficelles du pouvoir aux États-Unis. C'est un système complexe. Ce grand système géant. Avec tous ceux qui sont comme complexes. Et leur propension à aller en guerre. Le royaume de Dieu vient. Le Seigneur l'a annoncé. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il s'imposera quand même. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a annoncé, il l'accomplira. Ce qu'il a résolu dans sa parole, il l'exécutera complètement. Et pour de ceux qui croient cela, il a dit ici dans Romains au chapitre 11, nous voyons ceci au verset 28, Romains chapitre 9, verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Zambi kolo akoyesa likolo na mokili etungu makasi mpe na mbango. Il exécutera pleinement et promptement. Pleinement, c'est-à-dire la totalité de ce qu'il a résolu. Il exécutera mot à mot. Promptement veut dire il n'y aura pas de retard dans l'exécution. Pour les jours, les mois et l'heure, la chose s'accomplira. Imaginez, quand vous voyez par exemple dans l'Apocalypse ici, il y a des choses qui sont annoncées comme devant s'accomplir. Et elles vont s'accomplir effectivement sans dépendre des caprices de vous voyez, que Dieu soit miséricordieux envers vous. Quand cette chose va arriver, c'est dans le délai précis que le Seigneur a déterminé. Dans Apocalypse chapitre 9, il est écrit ceci, versets 13 à 15. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Moi je na motoba ayuli pe na yoki mongongo moko kobima na kati na maseke mbili na disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Koloba na moi je na motoba ete ojalaka na kelelo ete kangola banje yango minei baoyo basili konkanga epai na ebale pelata. Et les quatre anges qui étaient prêts, suivez bien, pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. C'est déjà annoncé, c'est déjà prévu. Le tiers des habitants de la terre, même si vous comptez 7 milliards, divisez ça par 3. On s'est multiplié. La Chine a fait des lois contre la procréation anarchique. Ils ont fait la loi pour réduire la taille de la population. Un couple, un enfant. Quand tu ne peux pas enfanter plus d'un enfant, ils ont continué comme ça. Mais eux-mêmes commencent à en rougir. Vous ne pouvez pas combattre contre la nation. Dieu est l'autorité suprême. Il est derrière les événements qui se passent. L'homme ne peut pas faire mieux que Dieu. Ayez la crainte de Dieu et reconnaissez-vous. Malgré ce qu'ils ont fait là, mais la population continue à s'accroître. Vous ne pouvez pas vaincre Dieu. Il a établi l'univers sur base de loi. Béni soit le nom du Seigneur. Sachez qu'il est Dieu. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Pouvez-vous comprendre ça? Un petit pays comme la Belgique, dont la superficie, le territoire, la dimension du pays, entre 30 fois dans la RDC. 30 fois la superficie de la Belgique. Il faut diviser la superficie de la RDC par 30. Vous trouvez la taille de ce petit pays-là. C'est-à-dire que c'est ce pays qui nous a colonisés pendant plusieurs décennies. Nos ancêtres sont passés par là. Ils ont eu des membres du corps coupés. Ils ont devenu des manchots de bras coupés. Sous la force de la traite négrière. L'esclavage. Et des travaux forcés. Bumbu. Comment comprendre ça? Dieu élève qui il veut. Il laisse la domination et l'expansion à qui il veut. Mais le même Dieu ramène ses nations dans l'ennemi. Voyez-vous ça? Que ce livre c'est le grand prophète. C'est le grand prophète. Après ces temps de colonisation, la Belgique est retournée dans son territoire. Nous avons eu l'indépendance. Ils ont été chassés d'ici. Jusqu'à l'opération virulente de la Zaïre. Ce pays a été expropié. Ça a été fait. Par l'homme même qui les avait promis au pouvoir. Leur pion. Dans le cadre de la guerre froide. Leur pion contre l'expansion du communisme. Le Mobutu, Joseph Désiré Mobutu. Et c'est lui-même qui les a chassés. Et qui avait même abrogé le nom d'importation. Oyo aboya qui était ko Ba kombo ya, Nimuta ya Mindele. Oui, Utachi, Faya Bapaya. Chacun de nous là, on a eu finalement des noms seulement autochtones. Nous allons qui n'a pas kombo au Vélé Abiswawa. Alors, il a commencé à développer la philosophie. Abandaki et Sale Loko. Au lieu de parler du retour à l'authenticité. Quand il a eu la pression des journalistes, il a dit, il s'agit pas d'un retour à l'authenticité de manière sauvage. Mais il s'agit du recours à l'authenticité. Un jeu de mots. Donc il s'est moqué avec les jeux de mots. C'est le recours à l'authenticité. Il dit, voilà avec votre démocratie. Ce n'est pas approprié à l'Afrique. Chez nous, dans notre conception du pouvoir, on ne joue pas avec les chefs. Il leur a dit sans face. Il dit, nous, en Afrique, on ne joue pas avec les chefs. Les chefs, on les respecte. On ne cite pas son nom n'importe comment. Et là, pour citer Mobutu, il fallait se cacher sous les lits. C'était la mère de cette époque-là. Des agents de renseignement. Plus il consolidait son pouvoir, il a encore une branche appelée Sarma. Encore un autre service spécial. Capable de traquer les gens partout. Surtout les opposants. Surtout les opposants. Miséricorde. Et l'Occident ne savait plus que faire de la bête qu'ils avaient fabriquée. Ils l'ont armé. Mais regardez, il devait maintenant attendre qu'une maladie l'affaiblisse pour profiter le poignarder dans les dos. Quelle situation? C'est pour dire que l'homme a ses limites. Même quand il se lance dans la folie du pouvoir, le pouvoir se confinera un jour. Il reconnaîtra qu'il est un humain. Il n'est pas Dieu qui règne éternellement. Votre Dieu, son pouvoir n'a pas de main. Sa domination est éternelle. Sois fier de ce Dieu-là. Je l'adorerai le servir. Parce que ne va craindre aucun changement, aucun bouleversement de régime. Il est roi éternellement. Que Dieu règne dans sa vie. Et son règne sera éternel. Que Dieu domine dans sa vie. Dans ses affaires. Dans son travail. Dans ses programmes. Que Dieu domine. Et sa domination est une domination éternelle. Gloire à Dieu, hein? C'est vrai. Malgré tout ce qui s'est produit là, ça y est de fin. Il y a un royaume de Dieu qui vient. Christ sera roi de toute la terre. L'Amérique doit le savoir. Où est passé l'Empire germano-germanique? Il s'est confiné. Où est passé le grand empire britannique? Il s'est confiné. Que deviendra le grand empire américain? Il deviendra des cendres. Et des cactus. De la fumée. Il le sera. Dieu l'a révélé au prophète. Rien ne va l'empêcher. Confiez-vous dans l'évangile. Soyez prudent dans votre marche. Sachez que Dieu révèle d'abord, mais il exécutera ensuite. Et il n'y aura pas de retard dans l'exécution de ce qu'il a raison. Autant marqué, la chose se fera. Vous voyez qu'il y avait 4 ans ici. Nous avons lu dans Apocalypse. Ils étaient déjà prêts. Mais la seule chose qui les empêchait, c'était une chaîne surnaturelle. Un lien que Dieu les avait fait. Sur le fleuve Euphrate. Tu peux payer les billets d'avion, aller sur ce fleuve. Si on l'est de long en large, tu ne verras pas ces anges-là. Mais le visionnaire Jean a vu ces anges-là. Sur ce fleuve. Il y a ces hommes en ce moment. Ils sont liés à ma maître. Parce que le jour, l'année, les mois, le monde, pas mais quand cette heure-là fatigue, l'ordre viendra d'en haut. Le même Dieu qui a envoyé Branham, le même Dieu qui a parlé à Branham, d'une fois lui-même et au livre, le même Dieu ordonnera d'en haut. Les 4 cornes de l'hôtel. L'hôtel d'Orgie est là-haut. La voix viendra de là. Délire les quatre ans. Et ils seront lâchés. Quand vous relancerez, leur mission sera de tirer. J'ai dit bien tirer. La Bible dit tirer. Pas négocier. Mais tirer. Mais tirer. Le tiers des hommes. Donc si la population mondiale a franchi le cap de 7 milliards, et vous savez que c'est vrai, malgré les grandes maladies, malgré les catastrophes, bien-aimé, il y a déjà une prévision ici, qui parle le jugement de la 6e coupe. Oh mes chers amis, rien que ce jugement-là, sans compter les autres, un tiers des hommes, des habitants de la terre, mourront mystiquement. Dieu sera derrière. Maintenant, quand on vient vous dire, regardez le coronavirus, il est en train de revenir. Ce sont des complots, de Bill Gates. Ils veulent réduire la population mondiale. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Allez-vous passer votre temps avec des théories bâtardes comme ça? Des choses stupides. La Bible est le grand prophète. La Bible n'a pas prévu Bill Gates pour réduire la population mondiale. Qu'est-ce que Bill Gates un souffle. Oh, l'ONG, l'association Bill Gates et Melinda. Voilà. D'ailleurs, Melinda a divorcé d'avec parce qu'elle était contre le complot de son mari. Toutes ces bêtises. Vous avez la prophétie. La destruction de la population mondiale ne viendra pas par le coronavirus. Dieu a déjà fait les calculs. Le tiers, c'est la sixième coupe. Et la sixième coupe ne va pas ressentir tant que l'église est posée sur la terre. Le Saint-Esprit qui est avec nous, il est cette grande échelle surnaturelle. Si il n'y a pas de cette destruction, de passer à l'action. Mais la Bible dit qu'ils sont des gens. Toi, tu dors, tu perds ton temps dans les salons. En train de mettre des mèches. Appliquer du rouge à lèvres et tout cela. Tu perds ton temps dans les salons. Mais il y a déjà quatre anges qui sont liés sur le fleuve. Le Dieu est le bon. Regarde du côté de Dieu. N'écoute pas les ragouts des réseaux sociaux. Toutes ces histoires qu'on raconte. Il y a du mensonge et des montages. Le seul livre qui vous dit la vérité, c'est la Bible de Dieu, le livre de vérité. Croyez l'évangile. Arrêtez les distractions. Le monde va vers sa ruine. Vous êtes là? Vous allez voir, non? Quatre anges. Benjamin. Et Dieu possède des myriades d'anges. Si rien que quatre anges sont capables de réduire la population mondiale au tiers. Mon frère, ma soeur. Quatre seulement. D'après le Christ. Quatre. Mais ils vont parcourir la terre et tuer le tiers des hommes. Toi, tu penses que tu as quelque chose? Si tu n'es pas en ordre avec lui, si tu n'as pas les soins de Dieu, tu es la proie de ses jugements. Tu passeras par ce coup. Tous les projets, les programmes que tu as missionnés, tout cela restera. Quand le Père de Dieu arrivera, tu n'échapperas pas. Si tu es compté dans les siens, oh mon frère, viens nous dire, quand l'année-là arrivera, au courant des mois de cette année-là, au cours d'un jour de cette année-là, chez moi-là, à une heure fixée par Dieu lui-même, l'événement fatidique se produit. Et vous n'échapperez pas. Mais l'église doit d'abord être enlevée. Avant que les sept coupes de jugement ne soient pas versées. L'église du Seigneur sera d'abord enlevée. Et c'est pour bientôt. Dieu a résolu d'enlever l'église. Il l'enlèvera pleinement. Et il le fera proprement. L'écriture précise, nous serons choqués. C'est propre. William Branham, le prophète a prêché, et cela va s'accomplir. Le départ, soudain, et secret, de l'église, nous irons soudainement, secrètement. Êtes-vous là? Vous allez là? Ne craignez pas coronavirus. Maintenant, vous Congolais, vous êtes habitués avec. Mais voyez maintenant ce qui se passe. La cinquième vague est annoncée. On disait entre fin mai et début juin. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe est en qui est là, le secrétaire technique de cette cellule de crise là. Le mois d'avril, maintenant, jeudi dernier ici, on a encore dénombré 75 cas de coronavirus. C'est une alerte, la flèche reprend. Et aujourd'hui, reprenons nos bonnes habitudes. Les gestes barrières, nettoyez les mains. Si vous aviez déjà mis le masque dans les sacs, allez les nettoyer et remettez les masques. C'est pendant que les gens sont distraits ici que plusieurs seront encore contaminés. Et ça risque de nous amener au couvre-feu. Il y a des mesures de confinement. Les Congolais n'ont pas aimé se faire vacciner. Ah oui. Que Dieu nous aide. Malgré ça, ne craignez pas coronavirus. La destruction est prévue. Ça, ce n'est qu'un exemple sur un légion d'exemples. Il y a des multitudes qu'on peut voir. Mais pour ne prendre que les quatre anges là, ils seront capables de tuer. Si ça se produisait demain, c'est à peu près combien de gens qui vont mourir? Un tiers. Nous sommes à 7 milliards, les habitants de la Terre, divisés par tout. Vous savez combien? Et coronavirus a déjà tué 1 milliard. Coronavirus, c'est comme ma bateau, bâtir ce bongo. Ne craignez pas. Craignez Dieu. Dieu qui tient l'univers sous sa coupe. La Bible dit que les cieux et la terre d'après sont gardés par la même parole. Gardés, réservés pour le feu. C'est la parole qui dit qu'il va y avoir. Il va faire ressentir sa voix et des conséquences ces jours. Si on doit tuer 2 milliards en un jour, 2,3 milliards, on parle de l'année, du mois, du jour et de l'heure. Oh! Église de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces quatre anges-là sont prêts pour l'année, le mois, les jours et l'heure de frappe. C'est tellement précis dans le temps. Ça ne prendra pas des semaines. Mais en une heure. Et imaginez le froid que cela va créer sur les survivants. Dans la dénombré en une heure, au courant d'un jour, pendant un mois, une année que Dieu connaît, que le monde entier dénombre 2,3 milliards de morts. Quel impact ça va produire sur les cérémonies? Surtout qu'ils ne sauront pas expliquer comment ça va être. C'est la Bible qui vous prédit ce qui est là. Et si vous n'êtes pas connecté à la Bible, vous ne saurez pas pourquoi il y a une. Mais ce sera l'écriture sur la Bible. Un événement prophétique précis qui passera dans l'histoire. Deviendra de l'histoire. Craignez Dieu, attachez-vous à sa parole. C'est un conseil d'amis. Un conseil de gratuit que je dirais. Ne négligez pas ça. Parce que si vous continuez à négliger et que l'enlèvement a eu lieu, et que vous ratez l'enlèvement, vous vous souviendrez qu'il y avait un petit David qui nous parlait de ces choses ici. Et vous serez ceux qui allaient vivre et témoigner de ça. Et les gens viendront s'attrouper autour de vous pour avoir les meilleures explications. Et vous serez en train de dire oui, oui, effectivement. Maintenant, après ça, voilà, il y aura encore la septième coupe qui va venir. Et puis le jugement de cette trompette aussi. Et ça va entamer ceci. La verdure sera détruite. Et puis, les plantations ne pourront plus rien produire. Et les hommes mourront pendant 5 mois. Il y aura un événement aussi là. Les gens chercheront la mort pendant 5 mois. Mais la mort sera l'un d'eux. Mais il y a des sauterelles qui vont les tourmenter. Vous serez l'éclaireur pour eux. Mais vous savez simplement que votre sort est le même que leur sort. Peut-être que pendant que tu es en train d'expliquer sur les sauterelles, ils se sauterelles de la taille de 14 mètres du peuple. Les bandes du Mongo Moulaï n'ont 14 mètres. Et puis au bout de la mort, les bandes qui ont 1 mètre de taille. 1 mètre au lieu, 1 mètre à Pamba. Mais maintenant, 14 mètres. On peut se voir dans le monde. Et quel est mon modèle? Tu verrais une histoire pareille surgir, passer sur la bébé. Une sauterelle. De la taille de 14 mètres. Donc, toi tu vas paraître comme une sauterelle face à la sauterelle. Yoko mona lokola yo pensa selele na sekuna. La sauterelle passe. Avec des ailes. Tu essayes de se cacher. Elle s'apparaît dans la maison. Tu essayes de t'appuyer sur le mur. Un serpent sort de là. Il sort de la chambre. Fuite. Tu vas dehors. La sauterelle t'attend. Elle bouge un peu les ailes. Tu sais qu'elle vient pour toi. Et que tu n'as rien pour l'écraser. Même si tu prends le revolver, ça le vide. C'est une armée surnaturelle. Mais ça, c'est aussi mbate. Zambe mutuatini yango. Imaginez. Banza. Il y a des gens qui mourront rien que de peur. Bato bakoku fa bobele na bobangi. Avant même que la sauterelle ne puisse pousser ses petites dents. Liboso ete mayoye bimisa mina la peur seulement. Bobele bobangi. Va calciner certaines personnes. Ekoziki sa mususu bato mususu. Bako karuka. Nikola ko baga. O sala ni bisikawa. Ti batoni. Yo. Yango ni bisika basala. Yo, le roi. C'est toi qui t'offres, Seigneur. Tu te relèves encore, mais la sauterelle n'est pas rien fait. Côté. Mon Dieu. Tu vas chercher à te pendre. Tu baisses la corde. Ça tient là. Et Simbiwana. Mais sous la corde, tu respires encore. Normal. La langue ne sort pas. Mais c'est quoi ça? Oublie, mais tu sais que tu as toi. La mort pendant 5 mois voilà, sans amitano, va fuir l'un des autres. Parce que Dieu pendant ce temps-là décrétera tellement les tourments. Voilà, que ça, bobele, bah, va et puis l'homme dit que ces sauterelles, elles auront les cheveux comme les cheveux des femmes. Elles vont cibler particulièrement les femmes qui se coupaient les cheveux. Bah, la mingi, basi, suki. Amen. Écoutez, il y a un autre temps. Amen. Et qu'on y a un autre temps. Il y a un autre temps de brisage, dans ma mèche, sous qu'on s'en va pêcher, et comment il saute, et ça va être tiré, et ça va quitter comme un côté. Vous avez un autre temps, sous qui il y a un idolâtre et gain. C'est ce que tu veux mettre sur ta tête. Il y a un autre temps propre, et puis il y a un autre temps. Vous avez un autre temps, et ça faut pas. Mais ba sauterelle bakoya. Mayoyo bakoya. Na basuki lokolo ya basi. Et qu'on lande la basi au bandeau quand t'as basuki. Oh, bandeau quand t'as ma mèche wana. Et qu'on soit bango. Et leur morsure, dit la Bible. Fait, va pota na bango, dit l'autre. C'est comme la morsure des scorpions. Et qu'on a la lokola ou ya. Ya koto. Est-ce que quelqu'un a-t-il déjà été mordu par un scorpion? Moto, est-ce que ça m'a la koto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Vous voyez la tourmente que cela provoque dans les corps. La passion, ça la canne aux autres. Que Dieu nous aide. L'ambé son abisso. Bon, binou moussou, bouton binou misabi. Vous pensez à ma demande abisso, Tony. Bas ça la nyonso, bas quoi t'enlèvement. pour passer à modèle wana. En forcerie, Zambe a continué d'habiter la mouana, car capona qu'on boit et va passer à modèle wana. Oyo, bino, et soit qui bino, et ça n'a pas eu utile la tépona yo. Et ça, accident de parcours dans la végétation, dans la nature, hein. Et suyo par accident. Mais ce sont des scorpions naturels. Mais ce ne sont pas des scorpions spéciaux. C'est seulement pour créer des scorpions. Oyo, on est naturel. Et suyo, on a des natures, on a des scorpions. Mais ça m'a péché par Christ pour voir de marcher sur les scorpions. À ta scorpion, si yo, et vous savez, on va mettre. Bah, diminuer, bah, ça n'a pas pouvoir, man. Mais yo, incrédule. Yo, infidèle. Au coup, ça va pas. C'est possible, tu n'as pas de pouvoir. Même l'armée mystique qui viendra, tu la verras pas la foi. Et quand tu marches dans les doutes, l'incrédulité, mais tu seras vaincu. Je vais colonga yo. Mes chers amis, Dieu a un plan pour cette période. Et tout ce qui se produira est déjà écrit. Rien ne peut l'empêcher. Le Seigneur Dieu l'exécutera. N'est-ce pas vrai? Tout ce qu'il a prévu s'accomplira. Qui dit amen? Ok. Là, nous avons parlé un peu de l'accomplissement le jeudi. Et vendredi, nous avons lu le passage de Exode 34. Voilà. Molongo ya et après Exode 34 Masima ya tukumisa tuna mine. Nous avons lu Deutéronome. Tutanga ki Deutéronome. Le chapitre 18 le verset 15. Zomi na mwambe. Et 18 les deux versets. Ya mwambe. Et nous avons lu aussi Acte 26. Tutanga ki misala tukumisa. Le verset 22 à 23. Tukumi bela mbale pe tukumi bela misala. Mais parce que le Seigneur a conduit la prédication. Tuna kola tamka likea. Nous n'avons rien commenté de cela. L'esprit nous a amené ailleurs. Comme c'est des fois c'est surprise. Et là, nous sommes revenus sur cette œuvre de Dieu à notre temps. Pour laquelle des fois, il y a les deux catégories de témoins. Les gens qui savent que Dieu fait quelque chose. Il y a les contenteurs et les moqueurs. Mais il y a aussi des bons et des fidèles témoins. Qui s'attachent à Dieu et profitent de l'œuvre de Dieu à leur temps. Ils veulent venir témoigner de Christ. Amen. Amen. Et nous avons vu que parmi les témoins, il y a eu même la prophétie Charles Price qui a annoncé pendant que William Branham avait cette prophétie, il a annoncé en 1916 l'achèvement de l'œuvre du salut dans l'Église. Comment le plein accomplissement aura lieu. Et nous avons eu même à lire l'expérience en la prisant dans la lettre circulaire de Frère janvier 1973. Ça nous avait dit Pierre. Je ne vais pas revenir sur la prédication. Mais je ne fais que fleurer un peu là. Pour voir autour de l'appel de William Branham. De quelle matière Dieu nous a nourris. Vous voyez? Et nous vous avons exhorté à être des bons et fidèles témoins. Soyez participants de ce que Dieu fait en votre temps. Soyez participants et témoins de l'œuvre de Dieu sous vos yeux. Ne continuez pas à regarder dans le vide. Mais considérez tout ce qui vous est annoncé. Ce que Dieu a déjà confirmé. Et ce qu'il va encore confirmer. Ne ratez pas une seule seconde. Croyez la bonne nouvelle et de bénéficiant participants. Soyez-en bénéficiaires de cet évangile. Comme a dit Paul, je souffre tout à cause de l'évangile. Afin d'y avoir part. Que ta part dans l'évangile te soit concédée. Oui. Dans 1 Corinthiens 9, verset 23. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Na jali kosala yonso pona sango malamu, eti na koma Mokabani na yango. Toi aussi, aille par l'évangile. Je présente la tienne, il casse la sango. Fais tout et supporte tout. Dans l'agneau, ça fait qu'un pico qu'on a nous. Même des souffrances pour l'évangile. La mignon qu'on a sango. Sois un participant. Voilà, casse la yango, penza. Sois un témoin au cœur de l'évangile. Sois un bénéficiaire. Ah, mon sango de la yango. C'est vrai. La solo. Le même Paul a dit ici, Alors, dans 2 Timothée chapitre 4, la Timothée, ami, balé, lorsqu'il sentait venir la fin de son voyage ici, il dit, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, ah oui, car pour moi, je sers déjà des libations, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice me réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, attention, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pour andai na jali na ino kosopana lokola mbeka elaka mbeka elaka na kolongwa na ngai esili kopelema na sili kobunda etumba malamu na sili sinzela na kotambola na sili kobatela kondima longwa sasa ipi motole na boyenge beni ebombami pona ngai oyo oyo nkolo mosambisi na sembo akopesa ngai na mokolo yango. Ne bobele na ngai te kasi na bango yonso basili kolinga komonana na ye. Amen. Amen. Cette couronne de justice n'est pas que pour Paul seul. La couronne de justice est destinée aussi à tous ceux qui aiment son avènement. Quand tu aimes l'avènement du Seigneur, tu te prépares à ton cœur. Tu t'imposes tout espace, dans le silence, comme le font tous ceux qui combattent. Tu t'imposes des privations toi-même. Il ne faut pas suivre les caprices du corps. Les désirs charnels. Les passions de la chair. Tu dois les vaincre. Par la grâce de Dieu, tu vaincras. Par la foi authentique, tu vaincras. Garde la foi dans toutes les choses. Dans toutes les batailles, tous les combats. Dans les difficultés, les tribulations. Garde la foi. Tu vaincras même les scorpions. Tu vaincras même les serpents. Par la foi, tout est possible. La condition maintenant, c'est que vous allez mal. Comment habiller la lélaté, habiller l'eau, l'eau, habiller l'enganon. Non, sois ferme dans la foi. Il est mangui quand il a condition. Dieu t'a fait des promesses à la Bible. L'Évangile est plein de promesses. Non, c'est plein de promesses. Pour toi, les croyants. Ça t'appartient. Alors, quel que soit ce qui doit nous arriver, nous devons persévérer. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 11, à 13, cette parole est sainte. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnions, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Cette parole est sainte. Toko bikampe na ye elongo. Soko toko ikampiko toko jala mikondi na ye elongo. Soko toko wangana ye ye ako wangana biso te. Ye ako wangana biso. Soko biso tojanji sembo ye wana ako umela na sembo. Zambi ako kiko miangana ye moko te. Prenez que c'est certain. Ne prenez pas ça comme des blagues. Dieu est le plus sérieux des hommes. Il n'y a pas plus sérieux que notre Dieu. Voyez une chose, prenez ça au sérieux. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, si nous mourons à notre vieillot, pour laisser Christ vivre en nous, et que le privilège du monde ne nous lise plus rien, nous vivrons aussi avec lui. avec lui. Et là où il dit, c'est là que nous sommes. Là où il est, c'est là que nous sommes. C'est sûr et certain. Et si nous persévérons, dans la voie qu'il a tracée pour nous, dans la voie à laquelle nous a appelés, si nous persévérons, va nous relâcher, va les décevoir, va tomber dans l'incrédulité. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Il deviendra roi de tous les hivers, toi aussi tu seras roi à ses côtés. Il dit amen à la vérité. Ça aussi, c'est certain. Voilà, puis, allez, c'est beau. Mais si nous les réunions, parce que si nous gagnons, lui aussi nous réunirons. Même si nous devenons infidèles, attends, comme nous avons fait, parce que lui, Dieu ne va pas devenir infidèle. À cause de notre infidélité, mais lui demeurera fidèle. Et il marchera avec ses fidèles. Il garde ses paroles. Il bénira les croyants qui persévèrent. Amen. Ne tombe pas dans l'infidélité. Ne sois pas tenté par l'infidélité. Garde la foi. Frère, garde la foi. Ma soeur, garde la foi. Adivienne que pourra garder la foi. Cette foi est l'œuvre du Seigneur. Parce qu'elle ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est le Seigneur qui a commencé cette œuvre. Parce qu'il est celui qui suscite la foi. Et qui doit l'amener où? Hébreux 11. Hébreux chapitre 12, je vais dire. Verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe facilement. Rejetons ça. Ne garde pas. Rejette ça. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a toute une carrière. La carrière de la foi. La carrière du service divin. La carrière dans laquelle l'Église travaille. Sois vraiment un agent de carrière de Dieu. C'est comme chez l'État. C'est l'État congolais. Il y a une loi. Hein? Attendez, de 1982. La loi portant statut des agents de carrière, des services publics de l'État. Des agents de carrière. Et au mois de juillet 2016, le Parlement a révisé cette loi-là. Yango, on l'a publiée. La loi portant statut des agents de carrière, des services publics de l'État. Des agents de carrière. Des services publics de l'État. Alors, ce qui s'appelle service public répond au devoir et à l'obligation de continuité. Quand on dit service public, ça doit être un service ininterrompu. Il doit être continuel. Si un agent est empêché, la loi prévoit son intérim. Mobeko et bongisi moto akosala moto remplacement moto akokitala na ye moto pour que la tâche à faire que mosala semele sala ne souffre d'aucune interruption et nous kamatia na bokata ni moko ça doit être fait de manière continue et sala mona lolenya kolanda na kaka kosala moto ceux qui sont enrôlés là bas on va somi na mosala on les appelle les agents de carrière kabango batu ya mosala oya mosala ezali kolanda na pesa mais là ici le Seigneur awa kolo vous invite vous les croyants rejeter tout fardeau, toute chose qui t'encombre, et le péché qui vient nous envelopper, même si c'est le manteau de Joseph, par lequel on voulait l'obliger à commettre un péché. Joseph s'est tiré de là, en abandonnant son manteau. Ça a été décidé de rester au milieu de la femme. La femme a vu d'agruter. Mais Joseph s'est échappé. Et pour garder la foi et la victoire. Quels sont votre exemple? Il était sous le sang de bouc de corps, mais il était sous le sang de l'agneau parfait. Jésus-Christ, Emmanuel, notre Dieu. Et ce sang parle de meilleures expériences. Ce sang donne de meilleures victoires. Si tu es l'un d'eux, dis amen. Nous sommes croyants de ce sang. Nous comptons sur ce sang-là. Il parle mieux que celui d'avant. Il intercède à notre faveur. Et il a reçu la colère de Dieu. Nous donne la vraie purification. Au fin fond de la cause. As-tu confiance? Amen. Dieu travaille. Dieu travaille. Collabore avec lui. Il participe à son œuvre. Et il dit au verset 2, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Cette foi n'est pas une fabrication personnelle, pas une fabrication locale. Cette foi est l'œuvre du Seigneur qui l'a fait. Et Dieu a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Matthieu, chapitre 24, hein? Le verset 12 et 13. Il dit ceci. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Persévérer dans quoi? Dans l'évangile. L'évangile produit quoi? La foi. Persévérer dans la foi. Que ta foi ne défaille pas. Que ta foi à toi ne faiblisse pas. Que ta foi ne se dénature point. Que ta foi soit persévérante. Que ta foi soit continuelle. Un agent de carrière de la foi. Un agent de carrière de l'évangile. Comme a chanté mon frère là l'autre fois. Beaucoup d'années dans le message. Beaucoup d'années dans la parole. Beaucoup d'années dans la foi. Mais la verge a bourgeonné. Dieu devient plus réel. Beaucoup d'années dans la parole. Beaucoup d'années dans le message. La verge doit bourgeonner. Le surnaturel doit s'accompagner. Les miracles doivent être là. Les signes doivent se multiplier. Les preuves de son accompagnement. Preuves de son amour pour ton âme. Aie confiance en lui de tout ton cœur. Persévère jusqu'au bout. Fais cette carrière. Salam, salam, ya moulaï, yo. Au lieu d'être agent de carrière de l'État, malgré qu'on dit ça, il y a toujours un temps, ou la même loi, statut des agents de carrière. Mais la même loi prévoit aussi le mécanisme pour mettre à cette carrière et des dispositions de gestion de la fin carrière et de la pré-carrière. Vous entrez à la retraite. Après 35 ans de service. Ou après 65 ans d'âge. Toi qui es agent de carrière. Vous deviens un agent passif. Non plus actif. Et s'il y a une direction des ressources humaines, ou un secrétaire général chargé des actifs, il élimine des salistes. Il devient les passifs pour avoir juste l'avance de la pension. Le un tiers du salaire que tu avais quand tu as fini ta carrière. Mais avec notre Dieu, ce n'est pas le cas. Nous le servons jusqu'à ce que lui-même marque la fin. Votre âge physique n'est pas une limite. Le nombre d'années dans la foi n'est pas non plus une limite. C'est son retour qui est le rendez-vous. tu vas beaucoup tu les serviras jusqu'à ce que on sale la chinoïque. Nos têtes seront fidèles, le Seigneur, jusqu'à la mort. Même si la mort vient, elle me trouve fidèle. Écoute, elle me trouve toujours et encore dans la foi. Et même quand je mourrai, comme il est écrit dans Hébreux 11, tout cela, à la foi de quel importe mon âge a été rendu, sans sans avoir reçu ce qu'il avait été promis. Mais ils sont morts dans la foi. Toi aussi tu partiras demain. Paul a dit, je garderai la foi. Même si la mort vient, je ne perdrai pas la foi. Même dans l'au-delà où je vais, je vais être croyant en Dieu. Quand je marche dans la vallée, c'est l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, je ne crains aucun danger, car Saoul était ton bâton, et là et toi Dieu, tu es avec moi, le Dieu de ta vie, le Dieu de ta foi, ne t'abandonnera pas dans la blanche vieillesse, même pas dans les séjours de mort, même pas dans l'au-delà, il est fidèle, même au-delà. Que Dieu bénisse ta foi. Que Dieu a permis ta foi. Que Dieu fortifie ta foi. Qu'elle ne défaille point, qu'elle ne périsse pas. C'est ma prière. Hein? C'est ma prière pour toi. Que Dieu fortifie ta foi. Que cette foi ne défaille point. Qu'elle ne faillisse pas. Qu'elle ne faiblisse pas. Mais qu'elle arrive à la présence. Car Dieu qui l'a suscité. Ce n'est pas pour la moi je crois en lui. C'est vrai. Il dit dans Philippiens chapitre 15. Regardez l'écriture qui ne faillit pas. C'est lui qui a commencé. Ok, Philippiens 1. Verset 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Mettez dans ma mémoire de bons souvenirs de votre foi. Hein? Chacun de vous. Moi aussi je réclame de vous. Hein? Des souvenirs qui m'amèneront à glorifier Dieu, à votre expérience et des bons témoignages de la parole. Mettez ça dans ma mémoire. Mettez ça dans ma corbeille. Mettez ça sur mon chemin, dans mon parcours. Vous avez le devoir de me partager toutes vos expériences spirituelles. C'est votre devoir biblique. Faites-moi parler. La joie de Paul sera aussi la. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de lui. Mais cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Amen. Au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Amen. Soyez participants. Soyez pas distraits. Déconnectés, déconcentrés. Soyez connectés à l'évangile. Prenez part à la première journée du ministère. Prenez pas. Vous avez tenu. Amen. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ça doit être continuel. C'est une carrière. Ne viens pas le coup de mon église là, le coup de mon païen. Yaka lokola monandako. Yaka sala carrière na kata foi. Carrière dans le message. Beaucoup d'années, toujours constant. Mais marchant de gloire en gloire, de victoire en victoire, de témoignage en témoignage, d'expérience en expérience, de puissance en puissance, de remplissage en remplissage. Il faut ça, mon ami. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Même plainte, même faiblesse, même défaut, même massou mon caca. Non frère, tu dois avancer. Amen. les choses doivent changer. La foi doit grandir. Elle doit mûrir la tête de la personne. Si toi tu ne veux pas le faire, sache qu'il y a une minorité autour de toi. Les gens que Dieu connaît, qui font un progrès constant. Ils veulent vivre ce que l'Écriture dit. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Ce que tu étais hier samedi, toi différent de ce que tu es aujourd'hui, toi différent de ce que tu seras demain. C'est ça, la constance de la marche. Être ferme, vérifier, s'évaluer, pas tourner les pouces, même quand on faisait de gymnastique à l'école, la marche scolaire, on commençait toujours quelque part. Prenez position. Position fixe. Allez, gardez le pas. Et, mais ça ne va pas rester terminellement. Il faut n'as-tu pas fait l'école primaire comme moi? Autant que tu n'as été Moko. Soulevez les mains. Ça doit avancer, ça doit pousser. Toi, depuis que tu as cru, yo banon di maki. Bobele moko. Gardez-le pas. Yo bobele otele. Bobele moko. Après ça, on bandi golare butu. Nasimo bandi. Tu dors même, tu fais des beaux rêves. Vous allez couler la couture nekeja, colote. Tu ne marches même pas du tout. Vous allez couper la couture. La nature elle-même ne vous enseigne pas le pas. Voilà, vous allez aller couper la couture. Que les choses ne doivent pas rester stationnaires. Ma cam, vous savez que tel est ma volonté. L'âge que tu as aujourd'hui, c'est l'âge que tu as. Vous allez m'obéir, vous allez m'obéir en bout de main. La taille que tu as aujourd'hui, c'est la taille que tu as. Vous allez m'obéir, vous allez m'obéir en bout de main. Le corps corporel que tu as aujourd'hui, c'est voilà, vous allez m'obéir en bout de main. La nature elle-même ne s'enseigne pas. Voilà. Mais comment qu'affirmer dans les choses de Dieu? Le coso ya kindumba, ya copinage, kulula, kuiba, lukuta, tricherie, fraude scolaire. Nous sommes na kakayo. Na musala ku falsifier ba dokima. Faux frère, fausse sœur. Le kwa mobala lukuta, le commence à lukuta. Na ki jasa ba lobele uza faux tête. C'est ce que tu dis finalement. Oui, na ki vas-y, ou comme faux tête na ki vas-y. Il faut produire les fruits dignes de la repentance. Ça risque de vous amener à l'assemblée à Malonga. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Les choses doivent changer. Car la parole a la puissance de la formation. Il faut changer quelque chose chaque jour. Amen. Chaque jour. Parce que nous devons manger chaque jour. Amen. Amen. Il a dit, le dit de manifester ma joie, verset 5, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Amen. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Tant que vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de la vie. Pour vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de la vie, vous avez besoin de la vie. Jusqu'à maintenant. Est-ce que la foi progresse? Tant que les niveaux d'expérience augmentent. L'expérience spirituelle. Les gens de témoignage. Autour de toi. Est-ce que ça s'ajoute ou bien ça régresse? Il y a des gens qui, avant le baptême, témoignaient même des miracles de Dieu. Mais Dieu, pour qu'ils soient pris le baptême, toi, même venir à l'église, il faut forcer. Qu'est-ce qui ne va pas?